Attends, ah, je vais la faire vénère. Attends, je vais la faire vénère. Équipé comme le Red, des Z, genre les Grecs et des la Z. Je suis Red, mon nom commence par Z. Comme Zoro, je suis pas beau, j'ai bombardé sur Comigo. Rodéo, je bédave, je bicrave dans la cave. J'ai le boulot, je mets les boulots dans le cosmos, putain de merde. Écoute bien, écoute bien. Allez, je veux. Y'a que des dingues ce soir. Boy, Batman, là viens dans mon hall. Grad, amène tes crabes et tes shrabs, même toute ta brigade. Quand on tape, ça part en vrille, ouais. Le pipi brille, l'espoir va citer le spa comme les chats dans la décie. Ma chérie, mets-nous bien, ouais. Bouge ton derrière. Fais-y cire, fais-y cire. Bouge ton derrière. Laisse-toi faire, fais-moi rugir de plaisir. Sa mère est pire encore, vu que la vie est hardcore. J'mets des météores dans des joints de porc. Corps, c'est le Delport, dès que j'sors avec ma meute de loup aux grosses bêtes. Ouh, jaloux, j'piche pourquoi tu zuzes. L'argent j'fais salement chez nous. On nous appelle également du peuple ou la balle dans le genou. Et si seulement j'étais sage ou un peu poète. Malheureusement j'suis qu'un sauvage, parfois en cage à cause d'une pipelette. Dans mon haut, ça vend chaque soir. Ouais. Dans mon haut, parfois ça se pend le soir. Chaque année, dans les cités des Hauts-de-Seine, les clients viennent acheter de quoi rouler 250 millions de joints. Cette voiture vient du département voisin. Tout le monde sait que c'est la patate. Dans tous les pattes, ça se gratte. Ce sera pas de joint, fais voix nous 24. En plus, y'a peu de rats, donc ça se gratte. Les clés, oui. Hey, Willy, Willy, Willy G, dis-lui, ma chérie. Vas-y, bouge, bouge, bouge ton derrière. Fais-y cire, fais-y cire. Bouge ton derrière. Laisse-toi faire de moi la barre de fer. Sa mère, wesh mon frère. On en a marre de la misère, alors on la fête chaque soir. Dans un coin noir, pépère de nos cités dortoirs. J'en place une pour gitan au mitard. Les délinquants ou check à fond scar. Comme Zeller au Ricard. C'est pour mes resellers, dealers, braqueurs, hackers. Les travailleurs, mon secteur, Hauts-de-Seine. C'est pour mes resellers, dealers, braqueurs, hackers. Les travailleurs, mon secteur et ma haine, ma haine. Dans mon haut, ça vend chaque soir. Ouais. Dans mon haut, parfois ça se prend le soir. Est une plaque tournante du trafic de cannabis en région parisienne. Chaque année, 100 tonnes de résine arrivent dans ces cités. Un commerce juteux, estimé à 500 millions d'euros. Regarde, ben frangin, ici on vient tous de loin. Parfois avec du sang sur les mains ou de drôles d'engins. Ça craint point rien, sur terrain c'est le même refrain. Ça fait passe ton pain, pom, passe ton pain, pom, pain. Chez nous rares sont les bonnes soirées. Sans foirer nos vies sur un coup de tête d'enfoiré. L'ami, dans la rue on a tous trop erré. Galère et t'as vu, je suis devenu pire qu'un bulletin. Enragé, armé, armé. Avec mon armée je viens tout saccager. Allez mes chéris chargés. Fous du divertissement. Fais-y dire, bouge, bouge ton corps plus lentement. Ça me détend, alors je pense plus. Après c'est sur la détente. C'est cru pour un écu, ça se plante dans le vent. En gros ça se rentre dedans. Ça se casse des dents et de temps en temps ça casse des culs. Dans mon haut, ça vend chaque soir. Ouais. Dans mon haut, parfois ça se prend le soir. Ouais. Dans mon haut, ça se passe chaque soir. Y'a la boîte le soir, pourtant ça marche chaque soir. Ouais. Dans mon haut, y'a de sales histoires. De sales histoires. Victime, charcuté au rasoir. Au rasoir. Dans mon haut, c'est la brinque ce soir. Y'a pas de dingue ce soir. Y'a que des dingues ce soir. Des jeunes, déjà connus des services de police, organisent une petite fête. Une bande de dealers qui terrorisent la cité.